Je suis une blanquette de veau. Tu es un hot dog. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez New York au départ de Paris à partir de 518 € aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre. Tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. France Inter, 17h10. Laetitia Gaillet pour les infos. C'était un partenaire courageux pour la paix. Mahmoud Abbas a salué aujourd'hui Shimon Peres. Le président palestinien a adressé une lettre de condoléances à la famille de l'ancien prix Nobel de la paix. Shimon Peres, mort donc la nuit dernière des suites d'un AVC à l'âge de 93 ans. Mahmoud Abbas y décrit un Shimon Peres qui n'a pas ménagé ses efforts pour parvenir à la paix jusqu'à son dernier souffle. C'est d'ailleurs le seul dirigeant arabe à avoir salué sa mémoire aujourd'hui. Pour les autres hommages, il faut aller aux États-Unis, en Europe et jusqu'en Russie. Et en France, la France avec laquelle Shimon Peres était très lié, Franck Madvon. Dans son communiqué après la mort de Shimon Peres, François Hollande salue l'ardent défenseur de la paix, mais aussi l'ami fidèle de la France. Peres a traversé les époques et côtoyé de très nombreux dirigeants français. Dans les années 50, c'est lui, alors au ministère israélien de la Défense, qui initie la coopération avec la France sur le nucléaire. Paris fournira à l'État hébreu son premier réacteur à Dimona. La France, il faut le rappeler, a été l'un des principaux alliés d'Israël et le plus gros fournisseur d'armes du pays jusqu'à la guerre des six jours en 67. Peres avait aussi une relation affective avec la France, dont il admirait la culture. Il était proche de certains politiques, mais aussi d'intellectuels comme Malraux et même d'artistes. On pense au couple Montand-Signoret. Shimon Peres adorait visiter la France, dont il parlait la langue. Exemple dans cette interview de 78 sur TF1. C'est impossible de faire la paix ou faire la guerre sans Égypte. Shimon Peres était encore en France en mars dernier. De nombreux responsables français assisteront vendredi à ses obsèques. Franck Madvon, les attaques d'hôpitaux sont des crimes de guerre. La réaction aujourd'hui du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, suite au bombardement dans les quartiers est d'Alep. Les témoins sur place parlent de violences sans précédent. Selon les ONG et les habitants, les attaques sont l'œuvre du régime syrien et de son allié russe. Elles sont délibérées et ont pour but de détruire les infrastructures. Une centaine de personnes ont pu être impliquées dans la destruction de l'avion de la Malaysian Airlines le 17 juillet 2014 au-dessus de l'Ukraine. Ce sont les conclusions des enquêteurs internationaux aujourd'hui. Pour le parquet néerlandais, c'est bien un missile qui a abattu l'avion. Il provenait de Russie. Il a été tiré d'une zone contrôlée par les rebelles pro-russes et le système de lancement a ensuite été réacheminé vers la Russie. En revanche, les enquêteurs ne savent pas qui sont ceux qui ont déclenché le tir et qui leur en a donné l'ordre. Les séparatistes pro-russes, en tout cas, ni eux leur implication. Aujourd'hui, la Russie dénonce un rapport biaisé et politiquement motivé. L'avion, en tout cas, était pulvérisé par le tir. 298 passagers, membres d'équipage, étaient à bord et la majorité était néerlandaise. Ce sera le dernier budget du quinquennat. Michel Sapin a présenté aujourd'hui le projet de loi de finances pour 2017. Le ministre de l'Économie et des Finances a assuré que l'objectif de réduction des déficits serait atteint, à savoir passer sous la barre des 3% du PIB. Priorité a été donnée cette année à l'éducation, la sécurité et la défense. Du côté de la culture, le budget repasse le seuil symbolique de 1% du budget de l'État, soit 10 milliards d'euros. Et cette année, l'accent a été mis sur la jeunesse, l'accès à la culture, à la pratique culturelle, musicale, pour le plus grand nombre. Il a été aussi question de la formation au métier de la culture. Tout cela est essentiel selon la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. C'est pour moi l'exigence première absolue. Tout ce que la France connaît aujourd'hui comme difficulté, la vraie réponse à long terme, elle passe par l'éducation en général et par l'éducation artistique et culturelle en particulier, parce que ce sont des choses qui permettent à des enfants d'abord de s'exprimer, d'être en rapport avec la création, parfois de révéler des talents, de travailler en commun, d'avoir un autre rapport aux enseignants. Et on sait très bien qu'à chaque fois que c'est fait, c'est positif. Tout nous le prouve. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est simplement le généraliser, aller dans les territoires où nous sommes moins présents, les territoires ruraux, certains territoires périurbains. Ce n'est pas uniquement les quartiers populaires, en fait, c'est partout. Nous aurons doublé en 5 ans le budget d'éducation artistique et culturelle. Je pense que c'est à la fois une exigence, une nécessité et presque la seule voie de notre avenir. Des propos recueillis par Jacqueline Pétrose. Dans le procès devant le tribunal correctionnel de Grenoble des émeutes de Moiran, le tribunal a condamné aujourd'hui les 8 prévenus à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison ferme. 3 autres ont été condamnés à du sursis. 1 a été relaxé au bénéfice du doute. Dans le procès de l'affaire dite des chemises arrachées d'Air France au tribunal correctionnel de Bobigny cette fois, le temps était au réquisitoire aujourd'hui. Des peines de 2 à 4 mois de prison avec sursis ont été requises contre 5 prévenus. 17h05 sur France Inter. On file à la Bourse de Paris prendre la tendance de cette fin de journée. Et Antoine Verlin, vous nous apprenez comme ça que la bourse est orientée plutôt à la hausse. Eh bien oui, en effet Laetitia, à une demi-heure de la clôture, eh bien le CAC 40 avance de 0,71% actuellement. Il est à 4430 points. En fait, après 3 séances de baisse qui l'ont quand même fait reculer de quasiment 2,5%, eh bien le marché parisien profite essentiellement d'une chasse aux bonnes affaires. Ainsi, Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas et AXA progresse de plus d'1%. Les valeurs financières, je vous le rappelle, avaient trébuché ces derniers jours sur des craintes concernant notamment la santé de la Deutsche Bank. Avec un petit rebond des matières premières, ArcelorMittal se redresse aussi, plus 1,86%, mais c'est Peugeot qui est la plus forte hausse du CAC 40 avec un gain de 2,39%. Le groupe PSA est entré au capital de Communauto, une société canadienne d'autopartage également présente à Paris. Les titres qui avaient plutôt bien résisté ces derniers jours sont moins entourés. Unibail-Rodamco et Klépierre, les deux foncières, sont en baisse modérée de 0,40%. Sinon, l'euro, lui, se négocie à 1,1185. Quant au CAC 40, je vous le rappelle, eh bien, il gagne maintenant 0,68% à 4429 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse pour France Inter. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. 2 heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle. Et ce mercredi, dans le énervé, le retour des héros de la French Touch. Cassius entre Ibiza et California, ça donne Ibifornia. Et puis en deuxième heure, le revenu universel s'invite dans la campagne. Alors, idée de génie ou idée fausse? Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. Air France. France. La France. Is in the air. Tu les aimes, mes jambes? Ah oui, beaucoup, oui. Et tu les aimes comment? Longues. Oui, mais comment? Je sais pas, mais bronzées, tant qu'à faire. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Fort de France au départ de Paris à partir de 398 euros aller-retour, tout compris jusqu'au 29 septembre. Tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Vendredi 30 septembre, 20h, auditorium de la Maison de la Radio. Miko Franck et l'Orchestre Philharmonique vont vous surprendre. La version originale du ballet Petrouchka de Stravinsky. Le tourbillon fantastique et fatal de la valse de Ravel. Et l'étonnant concerto pour trompette de Brett Dean par le fabuleux Akan Hardenberger. Le 30 septembre, l'Orchestre Philharmonique de Radio France mélange les genres avec succès. Réservation maisondelaradio.fr. MMA Business Entreprise, exclusif. Besoin d'une complémentaire santé collective? Comptez sur votre agent MMA. Conseil, analyse et une couverture adaptée à vos besoins. Oui, je sais que vous rêvez d'une terrasse et d'un peu de soleil. Sachez que vous pouvez le faire, mais pas sans vos écouteurs ni votre transistor à pile, parce que c'est, si tu écoutes, j'annule tout et c'est maintenant sur Inter. Allez, Charline. À pile rechargeable. À pile rechargeable. Oh, évidemment. Merci Laetitia Gaillet, mais bien sûr, baladez-vous avec nous dans les oreilles, on vous accompagne, on est là. Faites un petit peu attention quand même, parce qu'il y a des brèves de vis-oreilles et ça peut créer des accidents. Et puis Laetitia, comme tous les jours, écoutez un petit peu comment on a préparé cette émission. Salut les amis. Salut Charline. C'est qui l'invité? Le comte de Boudherbala. Ou un noble. Oui, c'est ça, la noblesse du 9-3. Oui, très connu, hein, il risque d'épouser la baronne de Sarcelles. Oui, oui, mais bon, écoutez les amis, ça fait un mois qu'on a démarré. Oui. Moi, j'aimerais qu'on range une fois pour toutes ce bureau. Voilà, on reçoit un noble, il faut que ce soit propre. Ah, bah, bien sûr. Non, mais écoutez, c'est plus possible ce taudis, quoi. C'est cette perruque là, c'est non, qui? Non, non, c'est à moi ça, c'est pour. pour tes soirées chez Michou. Non, non, c'est pour mon sketch sur les femmes avec Fillon. Ah, et ça là? Non, ça c'est à moi, c'est mes 45 tours de Michel Thor, on touche pas. Ouais, bah garde-les, parce que quand ils vont t'engager sur Nostalgie, t'en auras besoin. Ah, et ici? Non, ça non. Non, mais c'est quoi? C'est un mausolée. Un mausolée pour qui? Pour Chichi, mon Jacques, je prie pour lui. Ah non, mais virez-moi ça! Bah, on l'enverrait pas à Christine Boutin du coup? Et les tiroirs là, regarde! Ah, mais y a rien, mais il est vide? Oui, non, ça c'est normal ça. Oui. Mais pourquoi? Eh ben, parce que dedans on a dit qu'on mettrait toutes les promesses tenues par François Hollande. Oui, et puis on mettrait aussi, on a dit les discours engagés de François Bayrou voilà, pour gagner de la place. Ah, d'accord, ouais, bon, on avance. Et cette caisse là? La caisse c'est pour les produits dérivés qu'on reçoit. Ah, génial! Oh, y a un chapelet de prières des cathos avec Jean-Frédéric Poisson. Oui, y a un sachet de graines d'Europe Écologie Les Verts. Si elles poussent aussi vite que leurs idées. Il y a de la vaseline aussi. Ah, oui, avec le programme du FN, oui, dis donc. Bon, on va les ranger hein, voilà. Dans la poubelle. Voilà. Mais il ne restera plus rien du coup. Mais ça, c'est hein quoi cette petite boîte? Non, c'est à moi. C'est quoi? Parce que c'est un cadeau de mon idole, j'y tiens beaucoup. Oui, c'est le courage politique de Nicolas Hulot. C'est là qu'il est. Oui, ben ça va quoi. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui brise la glace avec l'actualité. Et voici les trois informations qui vont finir mélangées au Ricard à 18h. Ils sont abstentionnistes, ils sont de gauche ou ils sont au-dessus des clivages. Et ils sont prêts à signer une charte de droite pour pouvoir voter aux primaires. Tous ont un même but, semble-t-il, écarter Nicolas Sarkozy. On signe tout de suite. 10% des Français envisagent désormais de devenir végétariens. Ça va faire de la viande en plus pour les autres. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Et nous passons presque 4 ans de notre vie en voiture. Donc, y a donc plein de souvenirs dans ces voitures. Et puis, on fait plein d'autres choses aussi. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu te maquilles en conduisant, là? Bah oui, là. Oui, et ben alors, j'ai pas envie d'être victime d'une ligne de mascara. Et je suis accompagnée de celui qui, pourtant si jeune, a déjà explosé ce record de 4 ans de sa vie, hein, mais lui en Thalys. C'est Alex Vizorek. Bonjour Charlie Van Macker. Et autour de la table, attention, une belle équipe, fut-elle masculine. 17h20, le poète, le philosophe, le musicien et le conseiller matrimonial de cette émission, c'est André Manoukian. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les autres. De quoi on parle? On va parler d'Elina Duni et de Scheherazade. Les États-Unis. Non, c'est pas ça. Pardon. Ah là là là là. 17h30, il a une nouvelle passion insoupçonnée. Après le végétarisme marxiste et l'échangisme bio, il se passionne pour le maritonisme actif, c'est Guillaume Meurice. Mais évidemment, évidemment. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Ben justement Charline, suite à votre chronique dans la matinale de ce matin, eh ben je diffuserai le droit de réponse du groupe Les Jeunes avec Mariton. On n'est pas complètement fêlés non plus. Voilà, pas complètement, vous voyez, méchante. J'étais pas seule. Ouais, c'est ça. 17h40, la vie tranchée de cette émission, notre éditorialiste au scalpel, l'homme qui a des solutions même quand il n'y a pas de problème. C'est Pablo Mira, bonjour. Oui, salut Alex, salut Charline, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des daturistes, les seules personnes qui portent moins de vêtements qu'un comédien au casting de Jean-Marc Morandini. Les daturistes qui vont avoir droit alors visiblement à leur espace réservé en plein cœur de Paris. Et là, Alex, forcément... colère. Coup de gueule. Quant à celui qui préside l'émission aujourd'hui, vous avez été joueur international de basketball, vous avez même fait vos classes aux États-Unis, et puis vous êtes devenu saltimbanque, encouragé par votre ami d'enfance, grand corps malade. Vous vous lancez dans l'humour et le seul en scène. Avec votre producteur, vous avez acheté le caveau de la République, rebaptisé Le République, et vous êtes, je vous laisse nous le dire, Tex. Ah, c'est lui! Sortez, sortez! Les amis! Charlie Van Macker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Tex. Il a fait de la muscu, hein, Tex, un peu, non? Tex a fait de la muscu. Est-ce que vous pensez pas que, comme Julien Lepers, il y a un moment, il faudrait peut-être passer à autre chose? C'est scandaleux comment on m'a viré. Je sollicite tous les fans de France 2. Je ne sais pas si c'est France 2, d'ailleurs. Bonjour à Tex. J'arrête de... Parce que vous êtes le comte de Bouderbala avec nous. J'arrête d'être méchant avec lui. Aujourd'hui. Vous êtes bonjour. Vous êtes même le comte de Bouderbala 2. Oui, c'est ça. Vous êtes le nouveau. J'ai toujours été en galère de titre, donc je me suis dit, on va mettre spectacle éponyme, on va mettre un 2 et puis ça passe. Et oui, au Théâtre du Gymnase, les mardis, jeudis, vendredis et samedis à 20h. Ou 21h30, ça dépend des créneaux. Ah. Parfois en double, parfois en triple, parfois en quadruple. Et Alex Vizorek est allé vous voir. Et oui, moi j'étais au République, vers la fin de la préparation, parce que ce spectacle n'arrive pas comme ça, il est bien bien rodé, vous avez fait Avignon avec. On a souffert. Déjà, j'avais fait les trois bornes devant 30 personnes, c'était compliqué, là, mais ça monte. C'était bien. C'est le gymnase. Alors moi, évidemment, je suis angoissé avec cette question de me dire, mais comment moi je vais faire un second spectacle? Je suis venu vous voir. Alors c'est quoi les bonnes recettes pour faire le 2? Bon, non, moi, j'ai pris le temps. Après, le premier spectacle, comme je dis dans le second spectacle, je l'ai essoré pendant 9 ans. j'ai fait ça exprès pour pouvoir jouer dans toutes les villes de France, tous les villages de France, et pour pouvoir justement ne pas passer en télé aussi, c'est un choix personnel. Oui, vous avez un choix. Pour faire moins de promos, ouais. Après le second spectacle, je pense, tellement de choses à raconter ces temps-ci, vous le faites très très bien tous les jours, messieurs, mesdames. Donc forcément, ça passe en spectacle, donc ça glisse. Non mais l'idée c'est, est-ce qu'il faut reprendre des recettes qui ont fonctionné dans le premier parce que les gens ont aimé celui-là et donc l'updater, et aussi essayer de surprendre. Vous prenez des conseils gratuitement là, oui, l'instant. Non, mais je pense après c'est les spectacles comiques, il y a autant de styles comiques que de comiques, et donc après il faut être en accord avec soi-même et vous raconter un peu ce qu'on a envie de raconter. Moi je voulais raconter une suite du premier parce que c'est vrai que ça me ressemblait beaucoup, mais bon, il y a des sujets que j'ai abandonnés. Alors, André Manoukian, pour les auditeurs et pour moi, le premier c'était quoi alors? Alors tu vois, André, 9 ans et le mec n'a jamais bougé son cul pour venir me voir. Mais il a vu texte 3 fois par contre. Dédé, tu déconnes, Dédé, laisse-moi ma chance, Dédé. Vas-y. Imaginons, oui, les auditeurs ne vous connaîtraient pas, qui vous ont vu dans les affiches, certainement. Mais... En gros, c'était, j'ai grandi, entre guillemets, un peu, entre la France, l'Algérie et les États-Unis, et j'ai voulu raconter dans ce premier spectacle l'américanisation de la France via la culture, la télé, la politique, nos habitudes de vie, et donc c'est un petit peu le premier spectacle qui est encore d'actualité parce que je le joue encore au République, donc c'était le premier spectacle, mais vraiment pour synthétiser, c'est un peu sur l'américanisation de la France. Mais est-ce que tu évoques aussi l'américanisation de l'humour avec l'arrivée du stand-up, la culture de la punchline? C'est un préjugé qu'on a parce que les Français ont inventé le stand-up. Robert Lamoureux à l'époque, tous les anciens des années 30, tous ces mecs-là. Robert Lover pour les gens. De Lover. qui est passé au caveau de la République avec toi. D'ailleurs, j'ai des petites photos là qu'on prend avec ta petite ganache. Je préviens les auditeurs, tout le monde se connaît, sauf moi. Mais je suis avec vous. C'est pour ça que donnez-lui quelques thématiques du nouveau spectacle. Moi, évidemment, en vrac, j'ai noté les attentats, parce qu'évidemment, on vous attendait là-dessus, parce que vous faites un style rare, vous faites du stand-up à contenu. C'est pas si courant parmi les humoristes. Donc, BFM Télé, ça c'est la nouveauté, parce qu'il y a 9 ans, ça n'existait pas. Ouais. Et puis, vous moquez. Mais pareil, c'est toujours dans l'américain. BFM TV, c'est juste CNN en continu, version française. Avec un peu de Fox News. Et là, Robert Lamoureux n'y est pour rien du tout. Hein. Mais voilà, c'est bon. C'est... Et là où vous vous moquiez des rappeurs, dans le premier, vous reprenez un peu sur la grammaire poétique des rappeurs, mais vous prolongez vers la chanson française. Donc là, on va agrandir son public. Les fans de Pascal Sevran vont retrouver des moqueries de Nino Ferrer, notamment. Entre autres. Non, mais après, c'était juste pour une connerie. C'était facile, entre guillemets, de taper sur les rappeurs. Mm-hmm. Et parfois, j'allais jouer dans certaines villes et je me disais, mais c'est vrai que là, les gens se lâchent beaucoup plus sur le rire. Parce que derrière les rappeurs, il y a aussi toute la sémantique des jeunes d'en bas, des jeunes qui traînent. Ça parle à tout le monde. Ouais, mais il y avait un truc un petit peu bizarre. On se disait, c'est un peu ce manque de vocabulaire et ces fautes de français, c'était qu'une certaine catégorie de la population. Et là, j'ai voulu agrandir le truc pour montrer qu'en fait, on est tous pareils, quoi. Voilà, c'est le comte de Bouderbala qui est avec nous, le comte numéro 2, puisqu'il est au théâtre du Gymnase avec un nouveau spectacle du mardi au samedi à 20h ou 21h30, voire plus tard. 2000 ans que j'attendais ça, rencontrer une fille comme toi, mon amour. Des mines de salte, il ne nous fallait qu'une heure et trois jours. 2000 ans que j'attendais ça, qu'on me dise de tels mots d'amour. Tu mets la barre un peu plus haut, tu mets la barre toujours plus haut chaque jour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. Puis tu dis que je suis à la fois trop plouc et trop chic. Soirée, le midi, mon amour. Tu dis Morgan hace 2000 años no lo creía. Cantando con un francés acabaría. Mucho menos cumbia, rap y boom, boom, boom. Escribir canciones tomando cerveza y Coca-Cola con rum. Me dice que le encanta cantar conmigo. Todo es casi ridículo, de película te digo. Mi romántico cantante francés. Estaría escuchándote las 24 horas de los 31 días del mes. Me dice que soy la reina de Palermo, Queens. Yo le dije que no soy cantante, que soy actriz. Si me lo decían hace 2000 años no lo creía. Escuchando La Mona Jiménez con Benjamín Violet terminaría. Me encanta ser su reina de Palermo, Queens. Y pareciera que absolutamente todo es posible en París. Todo es posible en París. El romantico cantante français, Benjamin Biolay. Elle le dit, la reina de Palermo Queens, dans la chanson. Qu'est-ce que c'est beau, il est beau cet album, hein, très Charline. Beau. Il a été enregistré en Argentine. En Argentine, à Buenos Aires, oui. Benjamin Biolay, sur France Inter, mais surtout avec nous, le comte de Bouderbala, qui a tout annulé. Le comte de Bouderbala 2, même au théâtre du Gymnase en ce moment. Et autour de cette table, Alex. Eh bien, on a entendu André Manoukian. Guillaume Meurice va redonner la parole aux jeunes avec Mariton. Et rendre l'honneur, surtout. Et on attend le coup de gueule. Le coup de gueule de Pablo Mira. Je m'échauffe, voilà. Restez avec nous, il est furieux. Et monsieur de Bouderbala, voici le moment de l'information. La plus belle arme, c'est la sincérité. Le journal de presque 17h17. Nous allons installer le printemps dans ce pays. On commence par les titres. Hervé Mariton choisi Alain Juppé. Un opposant au mariage pour tous qui décide finalement de s'unir avec un homme. Nathalie Kosciusko-Morizet est effondrée. Florent Manodou l'a annoncé, il arrête la natation pour faire du handball. Oui, à l'époque Thierry Henry s'était déjà mis un peu au handball. Il y aura des brèves ? Ben non, peut-être. Eh ben, je crains, oui. Commençons par le fait politique du jour. Hervé Mariton. Shimon Peres. Shimon Peres. C'est un autre niveau. Oui. Shimon Peres est donc décédé. L'ancien prix Nobel de la paix sera enterré vendredi. Oui, au contraire de la hache de guerre, qui n'est toujours pas enterrée. Venons-en donc au choc qui a fait trembler le monde politique français. Maintenant, on peut y aller. Hervé Mariton se rallie à Alain Juppé. Le coup de pas de bol pour Juppé. Là. Quand même, ça va lui faire des voix en plus, quand même. Ouais, celle de Mariton, mais... C'est Madame Mariton, peut-être, fait deux. C'est mais... vrai. Ils ont des enfants, je pense. Sans doute. Passons à l'extrême droite. Exclu du Front National, Jean-Marie Le Pen veut présenter sous son nom un maximum de candidats aux élections législatives de 2017. Pas encore la liste complète des candidats, mais on a déjà le programme. Point 1, faire chier ma fille. C'est l'objectif, évidemment. Et le maire communiste de Saint-Denis a lui annoncé sa démission sur Facebook. Sur Facebook, il vivra avec son temps. L'ex-modem Robert Rochefort avait annoncé la sienne sur YouPorn à l'époque. Et d'après le Canard enchaîné, Emmanuel Macron aurait traité François Hollande de tarte molle. Ah, la violence du débat politique. La semaine prochaine, ça va être flibustier ou pachibouzou. C'est le capitaine Haddock. Oui, d'ailleurs, ils ont un point commun, Macron et le capitaine Haddock, cette passion pour les bateaux. On reste à Bercy d'ailleurs, où le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin, a présenté son projet de loi de finances 2017. Oui, il va débloquer 3 milliards d'euros pour l'éducation, 2 milliards pour la justice et 2 milliards pour la sécurité. Oui, c'est bien qu'ils mettent la main à la poche, plutôt que de mettre la main aux fesses des journalistes. C'est vrai. Science à présent, avec la naissance d'un bébé qui a été conçu à partir de 3 ADN. En effet, des médecins américains ont réussi à faire naître un bébé ayant 3 parents. Rachida Dati avait fait 8 papas potentiels. International, Amal Alamuddin, la femme de George Clooney, attaque Daesh en justice. C'est courageux, mais si les gars viennent au procès, pas sûr que ce soit l'idée du siècle. People toujours, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Brigitte Bardot. Et oui, c'est surprenant, ça tombe le même jour que la journée mondiale contre la rage. En sport, Florent Manodou arrête la natation pour faire du handball, un cas extrêmement rare dans l'histoire du sport. Oui, à noter que Serge Aurier va bientôt se mettre à la balle aux prisonniers, qui est aussi un sport en soi. Allez, on termine par des brèves, et d'abord des monnaies de l'Empire romain ont été découvertes au Japon. Alors, les ancêtres des Japonais, c'est les Romains. Ça fait beaucoup pour moi en une semaine. Donc, on va passer vraiment la dernière brève. Culture. L'album Nevermind de Nirvana a 25 ans. Mm-hmm. Et pour l'occasion, celui qui était le bébé sur la pochette de l'album a repris la pose. Ah, un bébé dans l'eau. Et on en parle encore 25 ans après. Bah écoutez, j'en collecte deux. Lui et le petit Grégory. Ça, ça fait mal. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie du comte de Boudherbala. Bonjour. Bonjour le comte. Bonjour. Et on va aborder le premier sujet avec vous. Des sympathisants de gauche et des abstentionnistes déclarent vouloir voter à la primaire de la droite. Pourtant, ils devront au préalable signer une charte qui précise, je cite, « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France ». Alors si vous êtes de gauche et que vous signez cette charte, c'est comme encore un morceau du clivage gauche-droite qui s'effondre. Et du coup, on n'arrive plus à se situer avec tout ça. Et moi, je crois que le premier truc de la politique, c'est de donner à chacun selon ses besoins. Chaque être humain a le droit à un minimum de soins et d'aide. Ça, c'est bien, ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Chacun selon ses besoins. Ah bah non, Fabienne, c'est pas chacun selon ses besoins, c'est chacun selon son mérite. Ah bah, si j'avais dû nourrir mes enfants selon leur mérite, ils seraient tous morts de faim. Qu'est-ce qui t'arrive, Milou, t'es en train de défendre des idées de gauche, là. Hein? Bah, je suis peut-être pas de droite, alors, finalement. Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec dans la série de France 2, Fais pas ci, fais pas ça, qui alimente grandement cette émission. On aime bien, on aime bien. D'ailleurs. On a le coffret. Alors voilà, il y a des socialistes, des sympathisants de gauche qui vont aller voter à la primaire de la droite et du centre pour choisir qui représentera la droite. Et certains, et même la plupart, veulent faire barrage à Nicolas Sarkozy. Vous, de quel œil vous voyez ça? Bah moi, personnellement, je m'en bats les couilles. C'est pas grave, ça. Je suis désolé, Charlie. Tout le monde n'a pas votre honnêteté. On passe au sujet 2, peut-être, là. Parce que on met une chanson, on envoie un truc, on fait quoi? Je suis désolé, ces gens-là ne m'intéressent pas. Mais je sais pertinemment qu'ils ne feront rien. Enfin, moi, très tôt, j'ai été dépolitisé. J'étais dans la politique, mais via l'associatif. Et l'associatif, souvent, il est récupéré par le politique, et il n'est que le jouet du politique. Et voilà, j'avais 18, 19 ans, j'ai fait de l'associatif jusqu'à de 15 à 20 ans. Alors, c'était à Saint-Denis à l'époque? C'était à Saint-Denis. Vous faisiez quoi, par exemple? C'est une association qui s'appelait... Alors, j'ai fait plusieurs choses. Mmh. On donne des repas pendant l'hiver des SDF avec une association qui s'appelait Miroir et Différence. Après, on a monté notre association avec mes amis d'enfance qui s'appelait Melting Pot. On a fait des événements culturels sur la ville, on a profité du réseau de jumelage de la ville pour faire des événements, voilà, des débats, c'était hyper intéressant. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour... Après, le problème, c'est qu'au niveau du financement de ces événements-là, on était le cul entre deux chaises, entre voilà, le conseil régional et la ville, c'était PS, PC. Donc voilà, on s'est retrouvés dans une petite guéguerre de subventions, et puis après, voilà, quand t'as 17, 18 ans, tu apprends vraiment les rouages de tout ce truc-là, et tu te vois que c'est assez sale, et moi, ça m'a donné envie de juste faire mes choses pour pouvoir m'assumer moi-même sans attendre que le politique fasse pour moi, parce qu'au final, il fait pas grand-chose. Donc un dégoût au point de s'y désintéresser ou un dégoût au point de... Non, je m'y intéresse, mais de loin. Après, voilà, je sais pertinemment que dans ma vie concrète, proches, ils feront rien pour moi. Donc j'essaie de passer, le temps que je passe, je pourrais passer à m'intéresser à ces gens-là, je vais travailler sur moi-même pour vraiment essayer de changer ma vie et changer la vie de mes proches. C'est-à-dire que cette forme de dépolitisation fait que vous êtes peut-être encore peut-être plus citoyen et que vous dites que ça doit venir de nous-mêmes et donc il faut se retrousser les manches et puis comme ils ne font pas le job, à nous, à chacun à notre niveau d'essayer de le faire ou de faire avancer des choses. Ouais, notamment. Après, moi, je crois beaucoup au local, donc voilà, la politique locale. Mais après, j'ai vraiment, moi, si je devais lancer un mouvement, ça serait le « je m'en bats les couillismes ». Bah vous êtes nombreux, a priori. C'est pas les Républicains, déjà. C'est la ligne, non? On s'en bat les couilles, mais on fait croire que non. Du moment qu'après, on essaie d'être un peu constructif, c'est quand même là. C'est normal, on n'est pas totalement nihiliste non plus. Oui, c'est ça. On a des pointes de nihilisme parfois, mais on est assez conscient quand même. Mais on le sent dans vos choix de thématiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'envie de conscientiser votre public, parce que vous vous adressez à un public très varié, sur des sujets plus complexes. professeur Alex, le mec s'est transformé en professeur comique. Alors maintenant, on va rire de ça. Hein, je dois vous faire comprendre quelque chose. Non, jamais. Alors moi, j'ai horreur des spectacles moralisateurs, justement. C'est pas moralisateur, mais parler de sujets, c'est... Ouais. Il y a bon, du fond après, dans le conte de Boudère Balade. Non, mais le truc du stand-up, c'est tellement génial, cette forme d'humour, parce que c'est un point de vue personnel. Souvent, voilà, dans les médias, on dit oui, mais le stand-up, c'est toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose. C'est après, il y a une pluralité de sujets. C'est vrai que parfois, il y a des sujets qui reviennent, qui sont voilà, récurrents, mais c'est un œil précis et personnel et individuel. Donc voilà, c'est... moi, je pense qu'il y a autant de formes d'humour que d'artistes de stand-up. C'est bon. Vous pouvez faire un stand-up complet sur Kierkegaard. C'est possible. C'est rare. Je suis sûr que ça sera hyper intéressant. Et lui aussi, il se renouvelle, il diversifie en revenant parfois sur les mêmes bases, c'est-à-dire la gamme pentatonique, Deleuze, le yin et le yang, c'est André Manoukian. Et le yin et le yang, Charline. Et oui, là, je vais vous parler de Sherazade. Ben ouais. Elle s'appelle Elina Duni, elle est albanaise, elle vient donc d'un endroit des Balkans. Auparavant, une petite histoire. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, je pense, c'était l'anniversaire des croisades, les 1000 ans de la première croisade. Un journaliste du Monde s'est amusé à refaire exactement le parcours. Il est parti de Cologne, Paris, Chartres, et puis ensuite Venise. Et puis à un moment donné, il se trouve dans un coin et il racontait ce qu'il y avait il y a 1000 ans et ce qu'il voyait aujourd'hui. Il se retrouve en plein dans les Balkans, dans une ville qui s'appelle Mostar. Et il y a 1000 ans, dans Mostar, il y avait... il y avait la guerre dans cette ville. Trois quartiers qui se mettaient dessus. C'était les Turcs contre les Byzantins, contre les Vénitiens. 1000 ans plus tard, les Bosniaques contre les Serbes, contre les Croates. Les Croates descendants des Vénitiens, les Serbes descendants des Byzantins et les Bosniaques descendants des Turcs. 1000 ans plus tard, la même baston au même endroit. Elina Duni, elle est albanaise. Son père est albano-grec, sa mère est albano-turque. Elle porte dans son sang et dans son corps un tel message, j'allais dire, pour que tout ça cesse, qu'elle a fait un album où elle va chanter en 9 langues. Elle chante en turc, elle chante en italien, elle va chanter en grec, elle va chanter en albanais, elle va même chanter en arménien, en yiddish, en espagnol, en français, j'en oublie. Autant de langues que le comte de Boudherbala en parle. plus la langue de pute, la langue de... C'est pas vrai, vous avez une maîtrise en langue, vous en parlez plusieurs, non? Plusieurs, ouais. Je fais anglais, italien, même espagnol, berbère, kabyle et arabe dialectal. Et voilà, ça fait un paquet. Ah, donc vous pouvez presque comprendre tout ce que dit Elina. Et or, ça n'est loin, c'est loin d'être un exercice pédant et un petit peu, j'allais dire, plein de bonnes intentions. Tout d'un coup, on se retrouve avec une musicalité tellement profonde et c'est là qu'elle arrive à faire passer son message. C'est qu'au fond, toutes ces musiques se mêlent et c'est qu'elles sont portées par les mêmes harmonies, elles sont portées par les mêmes mélismes et on ne sait plus si elles chantent en français, si elles chantent en espagnol, si elles chantent en ladino. On s'en fout carrément et tout d'un coup, elle réussit à mêler tous ces peuples qui ont passé des années, des centaines d'années à se mettre un petit peu sur la gueule. Alors, l'avantage qu'elle a, puisqu'elle vient d'un Orient mais qui est le plus occidental ou d'un Occident qui est le plus oriental, c'est qu'elle peut jouer avec les mélismes. Qu'est-ce que c'est les mélismes, mon cher comte? Vous avez une note, par exemple, et au lieu d'attaquer la note comme ça, eh ben vous lui tournez un petit peu autour. Vous voyez ce que je veux dire? Vous commencez à faire des massages. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, au moment où on croit que vous allez y aller sur la note, eh ben vous n'y allez pas, vous allez un petit peu à côté. Puis ça, c'est une subtilité qui existe dans le chant d'Orient, mais qui rend complètement dingue. Plus l'érotisme de la langue. Oui, oui. Plus ça, oui. Quand vous entendez chanter une syrienne dans son arabe littéraire, tout d'un coup, vous avez des mots qui deviennent comme des bulles. Et là, après, il faut aller... Là, t'es pas à Barbès. Hein. On n'est pas complètement dans les mêmes musiques, mais voilà. Alors, Sherazade, c'est l'histoire de ce roi de Perse qui est cocu, qui fait exécuter sa femme, sa vengeance n'étant pas assouvie. Il décide de se marier tous les jours avec une vierge et de l'exécuter le lendemain jusqu'à ce que Sherazade décide que ça cesse et elle vient et elle va lui raconter une histoire qui n'en finit pas, un peu comme dans mes chroniques d'ailleurs, et ce qui fait que ça lui va lui sauver la vie et la peau. Allez, on écoute tout de suite notre Sherazade albanaise, Elina Duni, qui sera le 7 octobre au 3 Baudet. Don't miss it, guys. Could not let your miss my life, let them honor one short sleep, let's party dash don't jive, says bien mas звездичка тобой. Кад над вечом міс мамер, ведом ганам баншочні, веч порти даш тунчар, все звен маздичка тобой. Elina Duni. Le 7 octobre au 3 Baudet. Mais vous avez vu cette langue, c'est de l'albanais. Ça vient fatalement du turc, mais mélangé à plein d'autres langues. Mais ça a une musicalité j'arrive pas à le faire, mais ça voilà. Ça vous émeut, quoi. C'est exactement. Merci André Manoukian. Merci Alex. Pour cette magnifique découverte. C'est très, très joli. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie du comte de Bouderbala. Il y a le aussi. Deux, hein. Le 2. Hein, le 2. Attention. Vous faites bien de le préciser. Pablo Mira, qui est avec nous. Guillaume Meurice, Alex Vizorek, voilà, bien pour sûr. Pour ceux qui nous rejoindraient et veulent résumer le début de l'émission, il s'en bat les couilles, le comte de Bouderbala. De la politique, de la politique. Pour l'instant. Mais il est engagé citoyennement, oui, rappelons-le. Sûr. Hein, oui, pour être oui. tout à fait complet, comme l'est un certain Guillaume Meurice oui. lorsqu'il fait sa chronique. Mais je suis un petit peu en colère contre vous, Charline, aujourd'hui. Parce que oui, vous avez fait une chronique là, dans la matinale sur les jeunes avec Mariton. Vous vous êtes moqué. Hein, vous n'étiez pas toute seule d'ailleurs, vous étiez avec l'autre là, qui s'était fait une tête de cul pour l'occasion. D'ailleurs, entre nous, il n'a pas trop eu à se forcer. Non, mais je suis en colère, vous avez dénigré un beau mouvement, les jeunes avec Mariton. Je suis désolé, ce sont des jeunes qui s'engagent. Moi-même, j'avais pris part à ce mouvement, j'avais fait une levée de fonds, une sorte de Mariton-ton, si vous voulez. Voilà, allez arrêter les sarcasmes, toujours, oh là là, c'est pénible. Moi, je vais vous dire, j'ai appelé la responsable du groupe, hein, elle s'appelle Perrine Sabar. Alors, qu'est-ce qui lui plaît chez Hervé ? Son audace, ses valeurs. Il a de l'audace, finalement. Hervé Mariton a de l'audace. Mais beaucoup. Il a de l'audace, Hervé. Voilà, Vanhoenacker. Voilà, on ne peut pas lui enlever ça, quand même, son audace. C'est vrai. Bah, il s'est présenté aux élections avec autant de chances de gagner que Patrick Buisson au grand jeu de l'amitié. C'est quand même de l'audace, il me semble, d'accord. Hein, il a l'audace aussi de proposer une réforme qui s'appelle la flat tax, Hervé. Hein, à savoir l'impôt pour tous, même pour les plus démunis. Hein, c'est ça, Perrine ? Voilà, on fait quelque chose de très simple. Tout le monde est logé à la même enseigne. Proportionnel quand même, parce qu'on n'est pas des monstres, mais toute personne, y compris avec un faible revenu, devra payer une petite contribution de... Ah oui, alors ça veut dire que même si on est pauvre, on doit payer quand même l'impôt. Oui. Ah oui, bon, vous n'êtes pas des monstres, mais quand même... Bah, c'est un point de vue philosophique. Voilà, oui, c'est de la philo. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à un moment donné dans la proposition. Hein, c'est comme quand Finkielkraut y parle, hein, on a toujours l'impression qu'il vomit, mais c'est parce que c'est de la philo en fait, hein, c'est pas de la monstruosité. Donc chez Mariton, ils veulent rajouter en plus de la TVA, bien sûr, un impôt sur les plus démunis. C'est pas ça être un monstre. Hein. En plus, je vais vous dire, la flat tax, ça a une justification, je vous signale. Payer l'impôt, quelque part, ça donne une dimension citoyenne. Complète, non pas que les gens pauvres n'ont pas de dimension citoyenne à l'heure actuelle. On n'est pas passé loin. Il faut éduquer les pauvres en les faisant payer des trucs. Non. Alors on va s'éloigner de ce terrain un petit peu glissant pour parler mariage pour tous. Hein, on sait qu'Hervé Mariton, il était farouchement contre. Pendant sa campagne, il disait qu'il voulait autre chose. C'était quoi, c'est autre chose ? Ça voulait dire qu'on crée un autre contrat qui crée autant de droits pour les couples homosexuels que pour les couples hétérosexuels. Ouais. Qu'on n'appelait pas mariage à proprement parler, c'était un pacte largement amélioré. Ouais, bah en fait, du coup, c'était un mariage, mais sans le mot mariage. Voilà. Voilà, et bah ça, c'est de l'audace, je suis désolé. Proposer la même chose, mais pas l'appeler pareil, c'est de l'audace. C'est comme Sarkozy, il prend le programme du FN, il met Républicain dessus, audace, d'accord ? Alors, à ne pas confondre avec la technique inverse. Genre Canal+. Alors là, on garde le même nom, mais on change le contenu par du caca. Voilà, alors là, c'est plus de la scatologie que de l'audace, du coup, c'est assez subtil. Bon, alors, au-delà du mariage pour tous, il y avait bien évidemment le problème de l'adoption. Je sais pas, j'ai moi-même été adoptée. Ah. J'apprécie d'avoir un papa et une maman. Et si vous aviez été adoptée par deux mamans ou deux papas ? Non, mais je l'aurais peut-être pas très bien vécu. Mais vous savez pas, ça se trouve, vous l'auriez bien vécu. Ouais, non, je sais pas. Ben oui, non, on sait pas, mais on est contre quand même. C'est ça l'audace, ma petite banounaker, d'accord? Ça, vous pouvez pas piger, vous êtes belge, évidemment. Hein, un pays où le mariage homo a été accepté sans souci, hein, et l'adoption pour les couples homosexuels aussi. Alors forcément, on voit ce qu'est devenu votre pays, hein, tous les jours. C'est la pagaille. Et puis voilà. C'est vrai. C'est comme chez les Républicains en ce moment, parce que Mariton, on l'a dit, se rallie à Alain Juppé. Alors est-ce qu'il va y avoir des clashs? Non, ça va, on s'entend bien. Ah ouais? Enfin, on reste bons camarades. Bon, c'est sûr que parfois il y a des petites piques. Je vous cache pas qu'aujourd'hui j'en prends un peu plein les dents de beaucoup de monde, voire beaucoup de monde, mais voilà. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Mais de qui alors? Certaines écuries sont pas très contentes, mais bon, ça leur passera. Et ben voilà, bravo, Vanounaker. Hein, Perrine, elle s'en prend plein les dents depuis ce matin, vous en rajoutez une couche. Hein, c'est quoi la prochaine étape? Vous allez jouer à 1-2-3 soleil avec un malade de Parkinson, c'est ça? C'est ça l'audace selon Vanounaker? Tiens, en parlant de gens qui tremblent, vous vous rendez compte de la situation de Perrine? Si Sarkozy gagne la primaire, elle va devoir faire la campagne pour lui. C'est dans la charte de déclaration. Chaque ouais. candidat s'engager à soutenir le candidat qui gagnerait à l'issue du scrutin. Donc voilà. Ouais, alors ça va pas vous poser problème? Je ferai en sorte que la droite repasse, mais j'avoue que si je pouvais me retrouver en vacances à ce moment-là, ça m'arrangerait. Excusez-moi, vous pensez ce que vous voulez déjeuner avec Mariton, mais une nana qui préfère être en vacances que soutenir Sarkozy, ça se respecte. Alors on souhaite bon voyage à Perrine au soleil, en attendant que Nicolas Sarkozy soit définitivement à l'ombre. Merci, espèce de faillot de Guillaume Meurice, qui a bien contribué ce matin. Vous avez rencontré vos personnages. Ah oui, c'était moi, pardon. Mais oui, j'avais évidemment. Oublié. Bon, je salue Perrine, quand même, parce que j'ai rencontré par la voix de la radio le personnage de ce matin. Ah bah oui, et les jeunes oui. avec Mariton. C'est vrai. Bonne C'était chance. Vous. Bravo, on est ouvert au dialogue. Vous êtes sur France Inter où aussi on donne des droits de réponse. Oui. Hein, on les transforme un petit peu, mais ils sont là quand même. À suivre Pablo Mira, cofondateur du Graphi. Mais avant, on va traiter encore d'un sujet avec le comte de Bouderbala 2 qui est avec nous et qui est au théâtre du Gymnase. Mardi, jeudi, vendredi, samedi à 21h. À 20h. À 20h. Et parfois 21h. Et parfois 21h. De temps en temps. Renseignez-vous de temps en temps quand ça arrive. Alors, le cheval dans la lasagne, les vidéos de l'association L214 et les consciences qui avancent. Tout cela fait bondir jusqu'à 10% le nombre de Français qui se disent aujourd'hui prêts à ne plus manger de viande. Alors, dans un futur proche, les vrais viandards seront donc obligés de se débrouiller eux-mêmes. Ah, les tourments du doux. Je t'entends frémir, noble adversaire. Mais bon, c'est les tragiques destins de la chaîne de la vie. Hein? Manger ou être mangé, eat or not to be eat. C'est la loi des carnassiers. Allez. Benoît Poulvorde dans Monsieur Manhattan. C'est la une des Inrocks cette semaine hein, qui dit la folie veggie. Ben voilà, parce qu'il y a un mot en anglais là. Hein. Pourtant, on a l'équivalent en français quand même, Comte de Bouderbala, vous, qui aimez les mots et la langue et le rap. Ouais, c'est... Il s'en fout, je crois. Il est sur sa lancée, il a parlé du spectacle, il s'en fout. Fidèle à lui-même. Bon, non, mais c'est, près de 10% c'est, des Français. C'est marrant, mais c'est premier spectacle, américanisation du bordel, mais toujours avec 10-20 ans de retard. C'est ça aussi, c'est l'effet américain. On aurait... Alors, pourquoi? Parce qu'on aurait tendance à penser que les Américains sont très carnassiers, qu'il y a du hamburger, etc. Mais il y a aussi des restaurants végétariens bien avant. Même les Canadiens avaient des restaurants végétariens bien avant nous. C'est quelque chose que vous avez constaté quand vous avez vécu là-bas? Oui, à New York. Après, bon, New York, c'est un peu l'avant-poste de tout ce qui arrive aussi en Europe. Mais ouais, non, t'as plein de restos végétariens. Mais depuis, à l'époque, il y a 15 ans, t'avais déjà ces trucs-là. Mais vous aviez évolué là-dessus déjà, en regardant un peu plus le contenu de l'assiette, en étant conscientisé Ouais, mais après, c'est spécial, tu vois, c'est... Après, faut aimer. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien aussi. Moi, j'ai mes périodes veggie aussi. Mais je suis un mec chelou. Moi. Et qu'est-ce que t'as mangé ce midi, au fait? Juste pour Des pâtes. Mais tu sais, moi, j'ai une vie de merde. Hein, t'sais. Mais pas alors, rêver, finalement, est-ce que c'est tiens, par exemple, Guillaume Meurice qui est végétarien? Ouais. Mais oui. Il paraît que c'est facile. Donc le journaliste, ouais. Le journaliste des Inrocks explique que c'est plus facile d'arrêter la consommation de viande que de faire régime ou d'arrêter de fumer. Est-ce que le vrai blocage, il est social et culturel? Alors finalement, par exemple, refuser le gigot de mamie le dimanche, c'est délicat. Je pose la question à tous les deux. Moi, j'aime bien faire chier ma mamie le dimanche, donc je lui dis non, je ne boufferai pas de ton cadavre d'animal, par exemple. Vous lui dites ça à mamie? Ouais. Alors ça crée des débats et tout, des polémiques, mais j'aime bien. Je passe un bon dimanche. Et alors vous mangez je mange dans les haricots. Un agneau, vous mangez les haricots ouais, qui est autour? Je mange les haricots, c'est très bon les haricots. D'accord. Voilà. C'est pas compliqué, en fait. Et non, mais c'est vrai que c'est très culturel, en fait. Il y a un phénomène, là, c'est que les bobos se sont emparés de ça. Maintenant, c'est hype d'être veggie. Un peu, ouais, c'est un peu devenu ça. Et qu'est-ce qu'en pensent les vrais? Non, parce que c'est ça, de voir arriver les bobos dans son assiette, quelque part. Non, mais c'est vrai que parfois, quand tu refuses chez les gens de manger certaines choses, bon, c'est mal vu. Et puis surtout, on a une culture tellement de gastronomie globale, nous, que voilà, c'est nouveau chez nous aussi. Donc, Et vous, vous y voyez une petite influence américaine, quand même, un côté. Ça, ouais, aussi, ouais, ouais. Une évolution. Mais après, voilà, c'est aussi très bon pour la santé. Hein. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Ce que disait Alex, c'est qu'il y a 30 ans, c'était les pauvres mangeaient mieux que les riches parce qu'ils mangeaient moins de viande, ils mangeaient des légumes, etc. Et que ça s'est complètement renversé. À tel point qu'on ferait a voulu faire une université pour la cuisine, pour réapprendre à cuisiner des topinambours, des légumes comme ça, avec des grands chefs. Et aujourd'hui, les obèses sont plus dans les populations, j'allais dire, défavorisées que chez les riches qui bouffent de la bio qui vaut la peau du cul quand même. Oui, hein, c'est on peut cher, le dire, parfois. C'est ça. Mais bien sûr, on peut le dire. On peut dire ça. À partir du moment où on compte de gros d'air maladie, on s'en bat les couilles, on peut dire ça coûte la peau du cul, effectivement. Et sinon, Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, qui promeut la salade de quinoa. Il a fait ça en vrai ? Oui, oui. Oui, dans Gala. Il n'a pas peur. Ouais. Okay. Mais Jean-Luc, il veut les voix écolo, alors on sent qu'il tapine un petit peu du côté de la verdure. Mais du quinoa, c'est bien. Mais rendons-lui honneur, c'est un véritable écolo. C'est peut-être le plus écolo sans doute, oui. du lot en c'est ce vrai. Moment. Il est 17h45 sur France Inter et on passe à celui qui permet de rééquilibrer cette émission avec son édito Pablo Mira, cofondateur du Gorafi. Pablo, aujourd'hui vous regardez à la loupe le projet de camp naturiste lancé par la ville de Paris. Et si j'ai bien compris Pablo, vous êtes assez en colère. Oui Charline, alors figurez-vous qu'en préparant cette chronique, j'ai trouvé une étude scientifique qui démontrait les bienfaits du naturisme. Et comme elle allait totalement à l'encontre de mon opinion, eh bien je l'ai roulée en boule et je l'ai donnée à mon chat Fufu pour qu'il joue avec. Alors je vais être honnête, voilà, je vais être honnête pour commencer. Au départ, moi j'aimais bien les naturistes, ils avaient plutôt ma sympathie. Et puis j'ai vu Daniel Morin se balader à poil dans les couloirs de la radio. Et là, évidemment, changement d'avis. Alors à propos de cet espace, voilà, cet espace naturiste, on sait tous ce qui va se passer si on autorise le naturisme à Paris. Des gens vont se balader complètement nus dans l'espace public et puis Frédéric Lopez va leur ramener Zabou Bretman pour qu'il lui apprenne à faire du feu. Non. Sans compter que franchement, il y a d'autres priorités. Alors d'accord, Anne Hidalgo va créer des espaces de nudité pour le bien-être des naturistes, mais est-ce qu'elle pense au bien-être des gens comme Alex Vizorek ou moi-même en construisant des espaces pour les voyeurs? Non. Je vais vous dire, moi, voilà, je vais paraître vieux et con, mais pour moi, le naturisme, c'est la décadence de notre société. C'est l'hypersexualisation de la population, c'est un appel au sexe sauvage, primitif, sans tabou. L'ivresse des corps nus qui s'entrelacent, les sexes en érection et qui... Hop là, oui, pardon, voilà, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de prendre mes petits médicaments pour la tête. Et voilà, si je les prends pas, ça va se terminer dans les faits divers. Couchin encore, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Excusez-moi, voilà. Donc je vous disais, j'en étais où? Voilà, les petits pilules magiques. Donc je vous disais, la nudité, le problème, c'est qu'elle génère toujours un malaise. Et voilà, je vais vous le prouver aujourd'hui en direct. Alors voilà, j'enlève ma veste, voilà, tout de suite. J'enlève évidemment en dessous la veste ma chemise. Voilà, et me voilà complètement nu pour cet édito. Et à moitié nu. Voilà, je suis à moitié nu. Et je vous le confirme, le malaise est palpable dans le studio. Voilà, j'ai Guillaume Meurice qui me regarde comme Patrick Swayze dans Dirty Dancing, pendant que le comte, lui, me regarde plutôt comme un critique de Télérama devant un spectacle de Kev Adams. Pablo, je crois que vous devez reprendre vos cachets, là, je pense. Non, rassurez-vous, Charine, ça, c'est juste mon bracelet électronique, parce que je suis pas censé être là, au fait, techniquement. Okay. Pour revenir à notre sujet, un peu de sérieux, s'il vous plaît, Guillaume. Là, on est quand même sur de la sérieusité. Excusez-moi. Pour revenir à notre sujet. Moi, ce qui m'inquiète fondamentalement, c'est que le groupe écologiste de Paris, il souhaite rendre cet espace naturiste accessible à tous. Il l'a dit. Très bien, mais je veux dire, mais qui va expliquer à mon fils de 6 ans pourquoi des inconnus se baladent dans la même tenue que papa et maman quand ils regardent la série Masters of Sex sur OCS? C'est très compliqué, vous voyez. C'est simple, ne laissons pas passer ce projet. Je veux dire, Quel exemple pour nos enfants. Déjà que j'ai dû batailler pour que ma fille, j'ai dû batailler pour que ma fille de 8 ans arrête d'imiter Rihanna en twerkant papa. Donc à un moment, c'est compliqué. À un moment, quand on vit en société, je veux dire, on s'habille. Hein, on met des sous-vêtements, un pantalon, et puis ce superbe t-shirt du Gorafi disponible à 14,90€ seulement dans n'importe quel friperie. Voilà, on peut dire que c'est donné. Pour conclure, rappelons que la liberté des uns s'arrête là où les fesses d'un inconnu frôlent mon visage pendant un pique-nique. Bon, bref, il n'y a aucune raison valable d'autoriser le naturisme à Paris. C'est un peu... Vous savez, Pablo, moi, je fais du naturisme, moi. Ah, ok, d'accord. Eh ben, comme je disais, Charline, j'espère que cet espace naturiste sera créé dans les plus brefs délais. Vraiment, voilà, dépêchez-vous. Merci, Pablo Mira, du Graphie. Peut-être aller voir la vidéo parce qu'il y a une surprise. Bah, écoutez, on peut pas dire, il y a une surprise. Bon, on peut le dire pour ceux qui ne vont pas voir la vidéo, on est à la radio. Il s'est fait une coupe. Une épilation qui finit en. C'était en à cœur. Vocation pédagogique pour montrer les ravages du naturisme. Allez, nous sommes avec le comte de Boudherbala 2. Vous pouvez vous rhabiller, Pablo, ou pas. Je trouve que ça a bien changé depuis Pascal Clark, je peux vous dire. En tout cas, ça se passait pas comme ça à l'époque. En tout cas, on peut commencer un studio naturiste à France Inter. Hein. Pablo a montré la voie. Dans toute une vie, on fait un paquet de choses dans la voiture, outre conduire, je veux dire. Une étude a conclu qu'on passait en tout 3 ans et 10 mois dans la bagnole, dont pour chanter, pour se disputer, manger, travailler ou... Pablo, calmez-vous. Pablo. On va chez toi ou on va chez moi? Cette question que se sursurent à l'oreille les tourtereaux n'y trouvent souvent d'autres réponses que l'alternative de l'habitacle de leur véhicule. Mais attention, une fois votre petite besogne accomplie, il vous faut réintégrer la chaussée et ses dangers. Buée sur les vitres, résidus d'épanchements glissants sur le tableau de bord, soutien-gorge emberlicoté dans les pédales, et pardaf, c'est lambardé. Faux contact, un programme anciennement de la RTBF avec le regretté comédien Manu Taureau. C'était un article à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France, aujourd'hui, qui s'intitule « C'est fou ce qu'on fait dans sa voiture ». Oui. Vous réagissez comment, vous, devant cette estimation qui paraît quand même assez énorme, compte de Boudherbala? Ne me dites pas, je m'en bats les couilles. Charline, à ton avis. Attendez. Mais non. Tu me provoques, hein, tu me cherches. Mais non, derrière, il y a toujours un truc à dire. Est-ce que vous vous rendiez compte qu'on pouvait passer dans une vie près de 3 ans et 10 mois dans sa voiture? Non, mais en plus, ça m'intéresse parce que moi, je suis le genre de mec à faire des calculs du temps qu'on passe à faire ci, à faire ça. Genre, on passe la télé 3h30 par jour, 11 ans dans une vie de 80 ans. 80 ans, c'est trop. 80 hein. ans, je sais pas. Et non, mais ça m'intéresse, ouais. Moi, j'ai pas de voiture, par contre. Ah, c'est ça. Ah, oui. Moi, je suis en scooter à Paris, mais maintenant, à Paris, en voiture, c'est juste. On fait moins de choses en scooter. C'est pas possible en scooter de faire autre chose que de conduire. Bon, on peut écouter éventuellement. La musique des choses. Bon, ouais. C'est dangereux, mais, mais mon scooter, il faut être vigilant. Mais alors, moi, je sais que quand j'ai des choses à écouter à la radio, par contre, je prends la voiture. Mais moi, malheureusement, c'est là que je vois que j'ai une vie qui est spéciale, parce que je ne fais absolument rien d'autre que conduire en voiture. Et manger des pâtes. Hein, ouais. On est Et autour je suis de pas cette votre table. Meilleur client, moi. Hein en fait. Mais si. Oui. Il y a un vrai phénomène, parce que moi je prends la voiture quand je suis à Bruxelles notamment, et on a cette dépendance au téléphone qu'on a dans le quotidien. Dans la voiture, on ne devrait pas l'avoir. Mais donc quand il y a embouteillage, vous voyez bien que ce n'est pas dangereux, vous avez tendance à le sortir. Mm-hmm. Et c'est tout à fait interdit, je pense que c'est assez dangereux. Et cette espèce de réflexe de regarder son téléphone, à mon avis, est assez dangereux pour la conduite en voiture. Et donc c'est, les gens, on le voit chez les taximans, ils l'accrochent, machin, il y a des gens qui regardent la téloche en voiture, en conduisant, vous êtes dans des longs trajets. Je pense que ce n'est pas extrêmement sécurisant. C'est quoi le conseil c'était ma constatation sur la vie. Voilà, dans les longs trajets en voiture, la voiture, elle est liée à des souvenirs, à des longs trajets, à des voyages. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire ou que vous n'arrivez pas à faire? Je donne mon exemple, moi, j'arrive pas à lire dans une voiture ou alors surtout à regarder un plan parce que c'est le truc qui me rend malade. Moi, je fais mes chroniques dans une. On l'avait deviné. Non, mais la voiture est un vrai endroit de discussion pour les parents et les enfants. J'ai trouvé, c'est là que je discutais le plus avec ma maman quand elle me conduisait à l'école. Alors, je sais pas si vous allez même se dire, mais moi, c'est là que. Vous voyez, compte de Boudherbala. Tu sais que moi, ma mère n'est jamais venue me chercher à l'école. Ah bon, voilà. Le mec, il nique l'ambiance. Putain, voilà, là, du coup, c'est-à-dire que vous rentriez à pied chez vous? Ouais, et une fois, j'ai failli me faire enlever. Donc les enfants, faites attention. Ah bon, ah ouais, d'accord, oui, ça déconne pas. Le mec, il nique l'ambiance. Ça plombe complètement le truc. Vous voulez pas l'histoire de pédophilie? Un spectacle de rire. Bon, et qu'est-ce qui manquerait dans la voiture? Sinon, c'est une question aussi qui est posée. Qu'est-ce qui manquerait dans la voiture? Un flipper. C'est une bonne question. Un bon gros flipper. Idéalement un bar. Pour pizza. Mais pour c'est voilà, très un bar. Peu compatible. Mm-hmm. Bah, ou une si, douche. Bientôt avec les voitures qui sont sans chauffeur. Voilà, on a bien fait le tour de la question. Vous, chez vous, dans votre voiture. Ils sont dans la voiture. Les gens nous écoutent, j'espère. Ne tweetez pas d'ailleurs, parce que sinon, je vous en voudrais. Restez concentrés sur la route, car c'est le moment du sketch. Le sketch, évidemment. Vous connaissez la règle, compte de Bouderbala, je vous donne un rôle que probablement vous n'avez jamais joué, puisque aujourd'hui, le rôle de Nicolas Sarkozy. Jure. Vous avez. C'est la seule imitation que je sais faire. Bien. Parce que c'est pas sa semaine à Nicolas. Pas mal de soucis. Donc, cellule de crise, évidemment. Les deux conseillers, Guillaume et moi-même, et Charline en Carla. On va voir comment ça se passe. Attention, attention, il arrive là. Ouais, je pense qu'on va morfler, c'est pour ça que j'ai mis le karaoké de Sardou en fond. Ah, c'est bien, ouais, je reconnais, c'est, j'habite en France, c'est sa préférée. C'est sa préférée. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour les amis. Ça va bien? Oui, oui, oui, ça va, ça va. Oui, ouais. Et vous, ça va? Bien, très bien. Ouais. Mieux, ce serait arrogant. En fait, non, il ne va pas bien. Bah non, mais je ne vais pas bien, c'est la pire semaine de ma vie. Non, mais il y avait aussi la semaine où on est parti en vacances avec les copains. Ouais, c'est vrai, non mais désolé, que, voilà, avec les carnets libyens, Buisson, c'est bon. C'est... Bah c'est pas la pire, c'est pas ça le pire. C'est quoi? Ah bon? Le coup de Trafalgar. Quoi? C'est quoi? Hervé Mariton qui rejoint Juppé. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est terrible, c'est terrible. Chouchou, chouchou, demain on a le temps, on va se détendre, on va faire une soirée télé. Ah ça oui? Non, vous n'allez pas faire ça. Mais pourquoi? Non, demain non. Allez plutôt à Disneyland, c'est sympa, ou Phuket, oui, tranquille peut-être. C'est... Oui. Et pourquoi? Non, parce que demain soir, il y a Élise Lucet à la télé qui... J'en peux plus, j'espère que vous avez des solutions les gars. Bien sûr ça. Et pour faire diversion, on peut demander à Laurent Wauquiez de dire une connerie éventuellement. Ne lui demandez pas, il le fera instinctivement. Oui, non, mais sinon on peut vous réécrire un discours sur l'histoire de France, ça c'est bien. C'est... Non, je pense que celui sur les Gaulois était suffisant. Si, alors... Les gars, je vous pêche. Cher, hein, vous n'êtes pas des emplois fictifs, hein, on n'est pas chez Juppé. Ah mais arrêtez de l'énerver. Pardon. Après on dirait Hanouna. Pour Buisson, vous me trouvez une solution. Ouais, on n'a qu'à dire qu'il est d'extrême droite, et puis voilà. Ah mais vous êtes con ou quoi? Pourquoi? Bah, c'est lui qui me donne mes idées. Ah, pardon. Chouchou, j'ai une idée pour te détendre. Ah bah vas-y toujours. Bah si tu veux, je peux sortir un nouveau disque. Ah non, je crois que ma semaine est assez difficile comme ça. Sauf que c'est dur de rentrer dans la peau de Nicolas Sarkozy. Ben, c'est surtout très dur de faire un accent de merde, enfin surtout une imitation si dégueulasse de Sarko que écoutez, je viens de faire. Écoutez, vous l'avez essayé, ça c'est beau. Tous les jours, les gens ne le tentent pas et vous avez pris ce risque. C'est marrant, vous avez fait un Sarko qui n'était pas nerveux, pas sanguin comme ça. Bonjour. Ça arrête, il est coincé. Le bonjour. Il est quand même plutôt connu pour son énergie. Il n'a qu'un bonjour. Ouais, bonjour et je m'en bats les couilles. Sarkozy sous l'exomile. Désolé pour lui. Non, mais peut-être il boit de la tisane aussi. C'est un conseil moi. De Juppé, à mon avis. Ça. Le conte de Bouderbala 2. Tiens, Alex Vizori, vous aviez vu le 1, vous? J'avais vu le 1. Et donc j'ai apprécié le 2 parce qu'effectivement, il reprend des recettes qui ont fonctionné. Et on retrouve. C'est surtout un mec qui a énormément d'énergie sur scène et est très généreux. Et donc quand j'étais voir le 2, je suis sorti de la salle et puis à la fin il dit si vous voulez, je joue aussi le 1 après. Donc il joue 2-3 fois par soir, c'est vraiment un stakhanoviste de la scène, il adore ça et il est brillant dessus. Voilà. Oh bah c'est gentil, bon, c'est surtout quand on a la chance que les gens viennent, c'est toujours sympa de passer des belles soirées. Mais comment vous faites pour avoir autant de monde? Parce que vous n'êtes pas trop en télé et avec le République il est bourré craqué 2 séances d'affilée. Ce ne sont que des figurants et des cousins du bled. Oui, parce que vous avez deux publics variés, et ça c'est rigolo, vous avez ce public banlieue qui vous aime bien parce que vous venez de là, puis vous avez le public intello France Inter parce que vous avez travaillé ici. Non, alors moi je pense que justement c'est vraiment les sujets dont on parle qui fait que les gens viennent, c'est pas, moi je crois pas trop à la naissance entre guillemets de je viens de ci ou de là, mais voilà, bon, la France Inter ça nous a aussi beaucoup aidé pour remplir la salle et faire venir les gens, mais non je pense que c'est vraiment comment on traite les sujets qui fait que les gens viennent, puis surtout plus on joue, plus il y a un bouche à oreille qui se crée. Donc moi c'est ce que je dis, dès que je passe sur un média, je remercie les gens d'en avoir parlé et d'en parler encore parce que c'est eux qui font que nous travaillons. Et donc, les gens qui aiment le rap et le slam, alors il y a une différence entre les deux, vous expliquez très bien. Oui, les gens confondent souvent, on est d'accord pour dire que c'est un peu la même chose, sauf que le slam est allé à l'école. Mais c'est vous qui avez sorti ça y est, je le remets, il est excellent ce gars, faut y aller. Il l'a bien fait. Et il décortique les paroles de chansons de rap où il y a des incohérences et des petits problèmes de syntaxe. Et dans le spectacle 2, on s'attaque à la chanson française qui est bourrée de fautes de français. Un petit exemple. Mais il y a beaucoup de chanteurs. Aznavour, les plus grands Aznavour, Laurent Voulzy, Montagnier. Eh bien, Johnny. Allez voir le conte de Baudelaire. C'est le meilleur système, c'est au théâtre du gymnase. Voilà. Allez, merci à tous. On va laisser le mot de la fin à tous ceux qui ne savent plus très bien où ils en sont politiquement. Qu'est-ce qui t'arrive, Bijou? T'es en train de défendre des idées de gauche, là. Ah bon? Oh bah, je suis peut-être pas de droite, alors finalement. Du lundi au vendredi à 11h sur France Inter, c'est la bande originale. Avec Nagui. Demain dans la bande originale, Laurent Baffy et Daniel Russo. Ah, ça aussi c'est bon. Il y aura l'humour d'Albert Algou, l'humeur de Nora Hemzaoui, comme tous les jours l'esprit de Leïla Kadobo-Dadi et le mauvais esprit de Daniel Morin. C'est hyper chelou. La bande originale. Pour assister à l'émission, inscrivez-vous dès maintenant sur maisondelaradio.fr. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 11h. Assurance, bonjour. Oui, bonjour. La question qui fâche, puis-je avoir une estimation en 2 minutes pour mon assurance auto? Non, bien sûr. Si, bien sûr. Et comment? Maf.fr sur votre smartphone. Vos réponses en quelques clics et vous simulez immédiatement votre tarif. Maf.fr sur mon smartphone et en 2 minutes? Voilà, mais si vous préférez, on peut aussi vous rappeler. Aussi? Oh, merci, Miss Maf. Efficace et pas cher, c'est la Maf.fr, c'est la Maf. Tarif indicatif sur smartphone. Tarif personnalisé au 3015, service et appel gratuit. Et le tarif, c'est qu'il est 18h sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demoron. Bonsoir Charline Vanhoenacker et bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Le programme de ce mercredi soir, 18h15, édition spéciale consacrée à Shimon Peres, décédé aujourd'hui. Archives et nombreux invités au programme d'un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne sur la sélection à l'université. Le sujet revient sans cesse dans le débat public, surtout lors des campagnes électorales. Celles qui se déroulent en France en ce moment en apportent une preuve supplémentaire. Vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal maintenant avec Florence Paracuelos. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, le deuil d'un